Pourquoi Karl Marx a dit « je ne suis pas marxiste » ? Karl Marx, né en 1818 et mort en 1883, a joué un rôle tellement essentiel dans l'histoire du mouvement ouvrier mondial que son nom a rapidement servi pour désigner le système politico-philosophique qu'il a élaboré au cours de sa vie. Pourtant, Marx a lui-même affirmé qu'il n'était pas marxiste. Pour comprendre cette remarque, il faut se replacer dans le contexte de son époque. Au départ, Karl Marx et son ami Friedrich Engels animaient un petit groupe de militants révolutionnaires qui défendaient l'idée d'un socialisme scientifique au sein de l'Association internationale des travailleurs. Les anarchistes, qui n'étaient pas d'accord avec eux, utilisèrent le terme « marxiste » pour désigner péjorativement les partisans de Marx. En France, Jules Guesde et Paul Lafargue, les fondateurs du Parti ouvrier, qui se présentaient comme des disciples de Marx, reprirent à leur compte le terme de marxiste, mais pour lui donner un sens positif. Ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Quand Marx a prononcé cette phrase, c'était surtout pour dénoncer les interprétations caricaturales de ses ennemis, mais aussi pour prendre ses distances avec la lecture réductrice de ses amis. Il savait pertinemment qu'une théorie produite par un intellectuel ne pouvait pas être spontanément comprise par le grand public, car, disait-il, les essais scientifiques destinés à révolutionner une science ne peuvent jamais être véritablement populaires. Mais une fois que la base scientifique est posée, la vulgarisation est possible. Marx aurait dû ajouter que l'effort de vulgarisation devait être adapté aux réalités propres à chaque pays. Il avait rédigé Le Capital, son œuvre maîtresse, depuis Londres, où il avait trouvé refuge. C'est pourquoi son analyse est centrée sur le cas de l'Angleterre, le pays où la révolution industrielle avait atteint son plus haut degré de développement. Mais en France, le capitalisme avait emprunté un chemin assez différent, ce qui obligeait les militants du Parti ouvrier à adapter les analyses marxistes sur la lutte des classes pour les rendre compatibles avec les réalités sociales de notre pays. Marx a vu dans cette transposition une caricature de sa pensée, sans s'interroger vraiment sur la grande question qui traversa toute l'histoire du marxisme, que ce soit dans sa version française, dans sa version russe ou chinoise. Comment s'emparer d'une théorie révolutionnaire pour qu'elle puisse servir l'action politique concrète? Si Marx a affirmé qu'il n'était pas marxiste, c'est peut-être aussi parce qu'il redoutait que sa théorie puisse servir de prétexte à tous ceux qui parleraient en son nom pour étouffer la voix des peuples. C'est cette interprétation que l'historien américain Howard Zinn a privilégiée dans une pièce de théâtre intitulée « Karl Marx, le retour ». Comme il l'a dit lui-même, le but de cette pièce était de sauver Marx, non seulement de ces pseudo-communistes qui avaient installé l'empire de la répression, mais aussi de ces écrivains et politiciens de l'Ouest qui avaient été marxistes dans leur jeunesse et qui s'extasiaient désormais sur le triomphe du capitalisme.